بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, on continue l'explication de Al-Aqidat al-Wasitiyya. Donc il dit وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ. Donc là de quoi on parle en fait? On parle de des exemples de preuves que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné pour montrer que la voix d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'il se les est donné dans Al-Qur'an. D'accord? Et pour montrer également que ça implique d'affirmer et de nier. Affirmer ce que Allah a affirmé et nier ce que Allah a nié dans la révélation. À propos de sa description, d'accord? Donc on a expliqué la semaine passée qul huwallahu ahad, hein, suratul ikhlas, et on a expliqué qu'est-ce que ça impliquait d'attributs que Allah s'est donné dans cette surah, et des choses qu'il s'est affirmé, des choses qu'il s'est nié ou qu'il a nié à son sujet. Et là maintenant on va expliquer donner un autre exemple de ça qui est dans le plus grand verset dans le Coran, c'est-à-dire Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit dans ce grand verset-là, et une des raisons pourquoi c'est le plus grand verset, c'est justement parce que le verset parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la plus grande surah, ou disons suratul ikhlas, elle vaut le tiers du Coran, comme le professeur Hassan l'a dit, justement parce que elle parle uniquement à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, la plus importante. Non. A'zamu ayatin fi kitabillah. Et on va l'expliquer pourquoi. Par la suite, le chef, il va mentionner la preuve. Donc, il dit, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما أي لا يكسره ولا يثقله وهو العلي العظيم. Après, le Cheikh il dit, ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لا يقربه شيطان حتى يصبح. Donc, le cheikh il explique, il donne cette ayah comme preuve. Et la traduction de rapprocher du sens de ce verset-là, c'est quoi? C'est Allah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. La ilaha illahu. Al-Hayy al-Qayyum. Je vais pas expliquer en détail parce que le cheikh va faire le tafsir en même temps. Donc ça donne rien de tout expliquer, puis le cheikh va le réexpliquer par la suite. Donc juste pour donner le sens général. Hein, Al-Hayy al-Qayyum, le vivant. Al-Hayy al-Qayyum. C'est un de ces noms, puis on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni la fatigue, ni le sommeil ne l'atteint. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? Hein? Il connaît tout ce qui est devant eux et derrière eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance infinie. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ils ne peuvent rien avoir de la connaissance, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils sachent. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son coursi, il est aussi large que les cieux et la terre. Et وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا. Pour lui, c'est pas difficile de les préserver, c'est-à-dire de préserver ou de garder les cieux et la terre. C'est pas du tout difficile pour lui, c'est pas lourd. Hein, il ne ressent aucune difficulté de faire ça. Et c'est lui Al-Ali Al-Azim, c'est lui le très haut. Et Al-Azim, le très grand. Donc ça c'est le verset 255 dans Surat Al-Baqarah. Et le chef il dit que c'est pour cette raison-là, étant donné que c'est le plus grand verset, que n'importe qui récite cette ayah avant de dormir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre un ange gardien qui va rester auprès de lui et qui va empêcher tout shaytan de l'approcher jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça c'est rapporté dans un hadith authentique. Et on va le mentionner à la fin, inshallah. Donc le cheikh il dit, al-sharh, là c'est cheikh al-Fawzan qui explique maintenant les paroles de cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. أي, وَدَخَلَ فِي الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ الكريمة في أعظم آية. الآية والآية في اللغة العلامة, والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة من غيرها أو عن غيرها بفاصلة, وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. الشيخ يقول le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit dans le plus grand verset dans son livre, c'est-à-dire Ayatul Kursi, il dit que ça signifie que, dit le verset, en français on dit verset, mais en arabe c'est ayah. Ok? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Puis, ayah, en arabe, ça n'a pas la même signification du tout qu'un verset. En fait, ayah c'est un signe. Dans la langue arabe, al-ayah c'est une alama, c'est un signe. Et la signification ici, dans le sens qu'on parle d'une ayah dans le Coran, il dit que c'est un groupe de mots qui forment un vers ou un verset dans le Coran qui est séparé par une séparation. Tous les versets sont séparés l'un de l'autre. Donc, et celui-là s'appelle le verset de Kursi ou le signe. Ou l'aïa de Al-Kursi, pourquoi? Parce que dedans, Allah mentionne qu'il parle du Kursi. Le Cheikh dit, وَالدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّهَا أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أُبَيِّ بِنْ كَعْبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم, فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنك ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. Donc c'est là que le cheikh mentionne le hadith qui prouve que ça c'est le plus grand verset dans le Coran. C'est le verset, le cheikh il dit c'est le plus grand verset, pourquoi? Parce que ça a été rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Muslim selon Ubay ibn Ka'ab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ubay ibn Ka'ab quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah, le plus important. Et Ubay ibn Ka'ab a dit Allah et son messager savent mieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à lui demander plusieurs fois quel est le plus grand verset dans le Coran. Et Ubay ibn Ka'ab disait Allahu wa rasuluhu a'lam. Et finalement Ubay a osé et il a répondu, il a dit Ayatul Kursi. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani c'est comme en voulant dire que Allah te donne le ilm, ya abal munfir, en voulant dire oui t'as donné la bonne réponse. Et la cause de ce, de le fait que pourquoi c'est le plus grand verset, c'est parce que dans ce verset-là, il y a toutes sortes de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont attribués, qui sont des noms de perfection. Et également, le verset contient toutes sortes de choses qui purifient Allah subhanahu wa ta'ala et qui rejette à son sujet des formes d'imperfection qui ne lui conviennent pas, comme par exemple la fatigue, comme par exemple le sommeil, des choses de ce genre. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est exempt de toutes ces imperfections là et il est purifié de toutes ces faiblesses. Donc ça c'est la preuve. Et ici on voit que par exemple Ubay ibn Ka'ab a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Yani Cheikh Mohamed Aman il a expliqué que Allahu wa rasuluhu a'lam, aujourd'hui si quelqu'un te demande quelque chose, est-ce que tu peux répondre Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. En fait ça c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens disaient Allahu wa rasuluhu a'lam parce qu'il était vivant. Maintenant qu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, on dit seulement Allahu a'lam, d'accord. Après le cheikh il dit فقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. Ça veut dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ayatul kursi Allah rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est ça, c'est la définition la ilaha illa hu, il n'y a pas de ilah excepté lui. Et en arabe, quand on le traduit, on dit « la ma'abouda bihaqqin illallah ». Parce qu'un ilah, en arabe, c'est un ma'aboud. Et le ma'aboud, c'est quoi? C'est n'importe quel objet ou n'importe quelle chose que les hommes adorent. Ça peut être une roche, ça peut être un arbre, ça peut être une étoile, ça peut être une statue, ça peut être un être humain, n'importe quoi. Quelqu'un adore, on l'appelle un ilah en arabe. Ou bien ma'boud, les deux c'est la même chose. Sauf que quand tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas de ilah qui mérite réellement de l'être ou d'être adoré excepté Allah. Ça veut dire uniquement Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être ilah. Les autres qui sont adorés en dehors sont tous des choses fausses et sont toutes adorées dans l'égarement et dans le mensonge. Il ne mérite pas l'adoration. Après, il dit Al-Hay, Ay, Al-Da'im al-Baqi, Al-Ladhi lahu kamal al-Hayat, Wal-Ladhi la sabila lil-fana'i alayhi. Donc, Al-Hay, c'est celui qui reste continuellement et qui a une vie complète et parfaite, et qui ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il reste toujours et puis il ne s'arrête jamais de vivre. Sa vie est parfaite, contrairement à la vie des êtres humains ou des animaux ou la vie des plantes ou des autres créatures. C'est pour ça que on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy, et on affirme que il a cet attribut de al-haya, la vie. D'accord. Et le cheikh il dit ensuite al-qayyum. أي القائم بنفسه المقيم لغيره وهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. Donc le cheikh il explique la signification de Al-Qayyum. Tout à l'heure j'avais dit que j'allais l'expliquer, c'est ça, maintenant je vais l'expliquer. C'est celui qui se tient par lui-même, il n'a pas besoin de rien d'autre pour exister et pour se tenir, tandis que tout a besoin de lui, tout le reste a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Ok. Et c'est ça que le cheikh a expliqué. Et après il dit وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْحَيُّ الْقَيُّمُ هُوَ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ اللَّهُ بِهِ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَاهُ لِدِلَالَةِ الْحَيِّ عَلَى الصِّفَةِ الذَّاتِيَّةِ ودلالة القيوم على الصفة الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين لكمال قيوميته. Donc le cheikh il dit que ça a été ramené ou rapporté que Al-Hayy Al-Qayyum c'est le nom, le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux noms réunis c'est le plus grand nom d'Allah. Al-Ismullah Al-A'zam. Pourquoi ils disent que c'est le nom, le plus grand nom d'Allah, celui que lorsque tu l'invoques par ce nom-là, il te répond, et si tu lui demandes par ce nom-là, il te donne ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce qu'il dit que Al-Hayy, ça implique une attribut de sa personne, de son être, hein, c'est-à-dire qu'il est vivant dans sa personne, c'est une attribut de sa personne, tandis que Al-Qayyum, c'est une attribut de ses actions, qui se relie à ses actions. D'accord. Et le cheikh dit que toutes les autres attributs reviennent ou retournent à ces attributs-là. Al-Hayat c'est la base de l'existence. Et Al-Qayyum, le fait qu'il se tient par lui-même, il n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. Donc ça englobe toutes les autres attributs et toutes les autres attributs reviennent à ces deux noms-là. C'est ça que Cheikh Al-Fawzan il dit. Après il dit لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو نوم خفيف يكون في العين فقط. Donc il dit que السنة en arabe c'est النعاس, c'est un genre de somnolence, une fatigue, hein, tu ressens une sorte de somnolence, il dit, et c'est une sorte de sommeil léger qui est uniquement dans les yeux. C'est comme si tu tombes endormi, mais pas profondément, c'est juste tes yeux qui sont fermés, parce que tu te sens fatigué. C'est ça, as-sina. Et, wa-nawm aqwa min as-sina. Wa huwa akhul maut. Yakunu wa yakunu fil qalb. Le cheikh, il dit que le sommeil, par contre, hein, c'est plus fort que as-sina, c'est plus fort que la somnolence, et il dit que c'est le frère de la mort. C'est le frère de la mort. Et il dit que le sommeil c'est dans le cœur, tandis que Sina c'est dans l'œil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le cheikh dit que c'est le frère de la mort? Parce qu'Allah il dit وَاللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les âmes de celui qui dort et de celui qui meurt. Puis celui qui est mort, il la garde, tandis que celui qui dort seulement, il la remet jusqu'à ce que son terme soit arrivé, c'est-à-dire sa mort. D'accord? Donc ça c'est pourquoi le cheikh a dit que c'est le frère de la mort. Parce que quand tu dors, c'est comme si tu étais mort. tu n'entends pas, tu ne ressens pas rien, tu ne peux pas réagir, un peu comme quand tu es mort. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا يملك العالم العلوي والسفلي. وعليكم السلام. Donc le cheikh il dit que Allah il possède tout ce qui est dans l'univers. Tout ce qui est dans l'univers est sa propriété. Salam alaikum. Tout ce qui est dans l'univers est sa propriété et sa création, et tout est soumis à lui, hein, et tout est sous son obéissance et dans sa soumission. Et il possède tout dans le monde. Le monde, yani, qu'est-ce qui est en dessous de la terre, qu'est-ce qui est au-dessus, yani, il possède tout dans l'univers, tout lui appartient. Même dans le dit, la ahad, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui pourrait intercéder auprès de lui, sauf par sa permission, ça implique une négation, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Et là, لا يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. فالشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بإذنه. Donc le cheikh il dit que الشفع ça vient de الشفع. الشفع c'est quoi? C'est père, quelque chose qui est père. Et الوتر c'est un père. Donc il dit pourquoi ça on appelle الشفع de cette façon? Parce que lorsque quelqu'un fait demande à une intercession, le fait de rajouter un doua ou une demande à une autre, et donc elle était une seule demande et là elle devient double. Donc c'est comme si elle devient père. Avant elle était impère. Donc c'est ça. Puis après il dit, Ash-Shafa'a c'est quoi? C'est de demander du bien par l'intermédiaire d'un autre. Donc, yani, tu demandes à quelqu'un de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ok? Mais l'intercession, elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que personne ne peut l'avoir excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, c'est sa propriété, c'est à lui que ça appartient. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَةً قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'intercession tout entière, à personne d'autre. Donc quelqu'un ne peut pas la demander à une personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est comme par exemple, tu ne peux pas demander l'intercession à une personne qui est morte. Mais si la personne est vivante, tu peux demander à cette personne-là d'intercéder en ta faveur, si elle possède ce privilège-là. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, même si toi tu demandes à cette personne-là d'intercéder pour toi, ou à un prophète d'intercéder pour toi, ça ne veut pas dire que Allah va accepter son intercession pour toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas l'intercession pour tout le monde. Il acceptera uniquement l'intercession pour le mu'min, al-wahid. Le mu'min, le croyant, qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance et dans ses actions. Et qui a établi le tawhid et qui a rejeté le shirk. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter la shafa'a pour lui. Mais pour celui qui a fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas. Allah il dit, فَلَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, ceux-là, parce qu'ils ont commis un shirk d'Allah. Et il y a des gens envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder sans qu'il l'ait jamais demandé, uniquement à cause de leurs bonnes œuvres et du bien et de la foi qu'ils avaient. D'accord? Donc ceux qui vont au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort dans sa, à sa tombe et qui lui demande d'intercéder ou qui lui demande de faire un dua pour eux, ça c'est, en réalité c'est une forme de shirk akbar, shirk majeur, qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'il faut demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et non à un être humain. Et le cheikh il dit إلا بإذنه أي بأمره وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. Donc il dit le cheikh que إلا بإذنه, c'est-à-dire accepté par son ordre et son commandement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ce qu'on appelle al-kibriya, il a la fierté et la grandeur, et donc à cause de ça, personne n'est capable de s'avancer vers lui pour intercéder pour quiconque, excepté après qu'il l'ait permis. Hein? Ça c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est capable d'approcher, de se présenter et d'avancer pour demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala de l'intercession, excepté par sa permission. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit les ulama, il n'a pas de lien de parenté avec aucun d'entre ses créations. Hein? Donc c'est pour ça, quelqu'un ne peut pas penser par exemple qu'un être humain a un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah est obligé de répondre à quelqu'un parmi ses créateurs, peu importe à quel niveau il peut être proche de lui. D'accord? Ça c'est très important de comprendre. Après il dit « يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ » أي « عِلْمُهُ وَاطِّلَاعُهُ مُحِيطٌ بِالْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٍ » Le chef il dit que quand Allah dit « et il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux », c'est-à-dire que sa connaissance est entière et complète. Hein, il a enveloppé par sa science toutes les choses du passé et toutes les choses de l'avenir, et rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché d'aucune de ces choses-là. وَلَا يُشَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. Donc le cheikh il explique le verset ou la partie du verset où Allah dit et ils ne peuvent avoir de la connaissance excepté de ce que Allah a voulu qu'ils aient de la connaissance. Et l'explication c'est que les serviteurs ne savent de la connaissance d'Allah excepté ce que Allah leur a enseigné par ses messagers ou bien par d'autres moyens et d'autres causes qui sont diverses. On sait tous les moyens comment on peut acquérir des connaissances, soit des connaissances de la religion ou des connaissances de la dunya. Mais peu importe quelle connaissance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est uniquement ce qu'on sait, c'est uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on sache. Hein? Et même si on réfléchit, par exemple, juste un exemple, l'électricité par exemple, elle existait depuis le début de la création, et puis les êtres humains ont réussi à comprendre son utilisation, puis comment en profiter que récemment dans l'histoire. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, cette connaissance-là était cachée des hommes. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet ou il permet aux êtres humains de connaître certaines choses, même dans les choses de la dunya, il ne leur donne pas toute la connaissance tout d'un coup. C'est graduellement que ça avance, et ça avance très très lentement. Maintenant, donc c'est pour ça que il faut voir que toute la science vient d'Allah, et donc même si on acquiert une science quelconque de la dunya ou des choses de la dunya, il ne faut pas penser que yani, on sait quelque chose de plus qui peut nous permettre de dire qu'on peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette connaissance qu'on connaît maintenant, c'est une goutte d'eau comparer à l'océan. C'est rien. Hein? Même moins que ça. Il n'y a pas de comparaison en fait. Après, le cheikh il explique la suite de ça. Il dit وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le coursi de Allah subhanahu wa ta'ala est aussi large que les cieux et la terre. Et il dit كرسيه سبحانه وتعالى قيل إنه العرش وقيل إنه غيره فقد ورد أنه موضع القدمين وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض. Donc le chef dit que le كرسي d'Allah سبحانه وتعالى, certains ont dit que c'était العرش, certains ont dit que c'était le trône, tandis que d'autres ont dit que c'était l'endroit où on pose les deux pieds, l'endroit où on pose les deux pieds au pied du trône. Donc, certains ont dit que c'était le trône, d'autres ont dit que ce n'était pas le trône, c'était pas l'arche, que c'était l'endroit où on repose les pieds. Et yani, le cheikh il dit que le coursier est tellement grand qu'il est plus large que les cieux et la terre. Et certains ulama ont expliqué que la grandeur du coursi par rapport aux arches, c'est comme un anneau qu'on jette dans le désert. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, il dit après, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Il dit, wa la ya'uduhu hifzuhuma, et là, la yaksuruhu wa la yashuqqu 'alayhi wa la yasquluhu hifz al-'alim al-'ulwi was-sufli. Donc le chef il explique que c'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala de préserver et de garder les cieux et la terre et l'arche et tout qu'est-ce qui est dans la création, et c'est pas dur pour lui, pas difficile et pas lourd, etc. Tout ça pour lui c'est facile parce qu'il a une puissance et une force parfaite, donc il est capable de contrôler tout ça sans difficulté. وهو العلي العظيم, et c'est lui le très haut, et له العلو المطلق علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال وعلو القهر وهو القاهر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء. Donc, il explique l'attribut de Al-Ali, qu'est-ce que ça veut dire. Al-Ali, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ali. Et Al-Ali, c'est quoi? C'est le Très-Haut, ok? Un de ses attributs, c'est la hauteur, qu'il est au-dessus, il est élevé. On dit en arabe, Al-Ulu, il est élevé, au-dessus de toutes choses. Et le chef, des fois, ils traduisent ça par la transcendance, c'est-à-dire que Allah est au-dessus de toute chose. D'accord? Mais des fois, j'hésite d'utiliser ce terme-là parce que on ne sait pas ce que ça peut impliquer également d'autres significations dans la langue française qui pourraient être fausses. Mais pour expliquer, c'est que, comme le cheikh il dit, qu'il y a trois dimensions, trois degrés de ulou par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier c'est ulou al-dhat, après ulou al-qadr ou ulou al-qahr. Ok, ulou il est haut, il est élevé par son être, par sa personne, du fait qu'il est au-dessus de toutes ses créatures, comme il dit lui-même dans le Coran qu'il est à l'arche istawa, il s'est élevé au-delà du trône. Donc ça, on doit affirmer ça et croire en ça. Ulou al-qadr, il a une grande capacité, haute capacité dans toute chose, c'est-à-dire qu'il possède toutes les attributs de perfection et de majesté. Donc ça veut dire, dans ce sens-là également, il est le plus élevé, dans ce sens-là aussi, dans le sens de son honneur, de sa capacité et du respect qu'on a pour lui et du respect qu'il mérite pour tous ses noms et tous ses attributs de perfection. Et ulou al-qahr, il est élevé dans le sens aussi que il est, il a le pouvoir et il est au-dessus de toute chose et il est capable de contrôler tout ce qui est dans l'univers et rien ne lui est, rien n'est en dehors de son pouvoir et de son contrôle. D'accord? Donc ça c'est les niveaux de l'eau. Bien entendu, il y a ni les gens de ta'atil, les gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils affirment uniquement une de ces trois-là. Ils affirment uniquement ulul qahr. Eux, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-delà de sa création. Ils nient cet attribut-là et ils disent que ça signifie qu'il a le pouvoir, sur sa création. Comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et Al-Maturidiya, ils nient cet attribut-là de l'istiwa. Tandis que Ahlus Sunnah wal Jama'a, on l'affirme. Et on affirme qu'il est non seulement Al-Qahir, non seulement qu'il a le pouvoir sur sa création et qu'il est au-dessus, qu'il a le pouvoir sur le trône et sur toute la création, mais il est également au-dessus de sa création, dans sa personne également, par son être. Ça c'est clair. Ensuite, le cheikh il dit Al-Azim. Ça c'est un autre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très grand. Al-Azim. الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين. Donc le cheikh dit que Al-Azim, c'est celui qui possède toutes les attributs de grandeur. Et c'est celui qui possède le respect total. Ou c'est celui qui est, respecté par tous les cœurs, c'est-à-dire par les cœurs de ses prophètes, par les cœurs de ses anges et par les cœurs de ses serviteurs croyants. Ils ont tous le plus grand respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens-là. Après le cheikh dit, فَحَقِيقٌ بِآيَةٍ تَحْتَوِي عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِ أَن تَكُونَ أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَأَن تُحْفَظ وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. Donc le cheikh il dit que donc c'est vrai que c'est un verset qui possède toute cette signification là mérite réellement d'être le plus grand verset dans le Coran. Et c'est certain qu'un verset aussi grand et aussi important a la capacité pour celui qui le récite, donne la capacité pour celui qui le récite d'être protégé de tout mal et des shayatin également. Comme le prophète Hassan l'a dit. Et le cheikh il dit, وَالشَّاهِدُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ فِيهَا فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْإِثْبَاتِ. Le cheikh il dit, c'est quoi le point qu'on peut, c'est quoi le point que Cheikh l'Islam a voulu faire par ce, en mentionnant ce verset-là? C'est quoi l'argument qui est dans ce verset-là pour supporter le point qu'il essaie de supporter? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans Ayatul Kursi, il a réuni dans ce qu'il s'est décrit, par ce qu'il s'est décrit dans ce verset-là, d'attributs, par ce qu'il s'est donné d'attributs dans ce verset, il a réuni entre l'affirmation et la négation. فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله. Donc, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé toutes les attributs de perfection et il a nié tout ce qui impliquait une imperfection ou une faiblesse à son sujet. ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. Quand Allah dit « Allahu la ilaha illahu », il a nié que quoi que ce soit mérite d'être adoré en dehors de lui. Et il a affirmé qu'il est celui qui mérite uniquement d'être adoré en disant ça. Donc il a affirmé que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et il a nié que toute autre chose en dehors de lui pouvait mériter d'être adoré. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, le cheikh il dit فَفِي قَوْلِهِ الْحَيُّ الْقَيُّومِ اِذْبَاتِ الْحَيَاتِ وَالْقَيُّومِيَةِ الْحَيُّ الْقَيُّومِ, ça implique la vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et al-qayyumiyah, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien ni de personne, mais tous les autres ont besoin de lui. Tout ce qui est créé a besoin de lui et ne peut exister sans lui. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه. Dans cette partie-là, le sommeil et la somnolence et le sommeil ne l'atteignent pas. Allah, il a nié la somnolence et il a nié le sommeil à son sujet. Et après, il dit لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِثْبَاتُ مُلْكِيَتِهِ الْكَامِلَ لِلْعَالَمِينَ الْعُلْوِي وَالسُّفْلِي. Il a affirmé que c'est à lui la souveraineté et le royaume de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Donc, le monde qui est au-dessus de nous et le monde qui est en dessous de nous, tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات, ok, ça on a dit. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه. Donc il a affirmé en disant ça que l'intercession lui appartenait à lui seul à cause du fait qu'il a il a la grandeur infinie et qu'il n'a besoin de personne et de rien. Étant donné qu'il n'a besoin de rien et de personne dans sa création, eh bien, il a affirmé que c'était à lui seul et il a nié que cette intercession-là puisse être faite sans sa permission. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, eh bien, il sait ce qui est devant et derrière eux, c'est en fait une affirmation, comme le cheikh dit, إثبات كمال علمه لكل شيء ماضيا أو مستقبلا, d'affirmer sa connaissance parfaite, qu'il connaît le passé et l'avenir. وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم غناه عنهم. C'est ça. Dans cette partie du verset-là, qui dit qu'ils ne peuvent connaître rien de la science excepté ce qu'il a voulu, ce qu'Allah a voulu. Ils ne peuvent connaître de la science d'Allah que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils sachent. Ça veut dire que la création a besoin d'Allah, et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de la création. وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلاله وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. Donc le cheikh il dit, il y a dans ça le fait que le kursi est une grande créature, donc on l'affirme, et que ça fait partie de la grandeur et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la petitesse des créatures par rapport à lui. Que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est petite par rapport à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect et l'honneur qu'il mérite. Les mouchriquins, ils l'ont rabaissé, ils ont essayé de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, les cieux et la terre, alaykum salam wa rahmatullah, les cieux et la terre, il va les mettre dans sa main, au jugement dernier. Il va les mettre dans sa main droite, les cieux et la terre, il va faire une poignée avec. Donc, comme Ibn Abbas a dit, que les cieux et la terre, c'est comme un grain de sable dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui existe là dans l'univers, c'est rien, c'est minuscule par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si ça c'est la grandeur ou la petitesse de l'univers par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez nous, les êtres humains. Si on calcule la grandeur de l'univers, dans l'univers, on n'est même pas mentionnable. On ne peut même pas calculer le nombre de zéros qu'il faudrait rajouter pour essayer de savoir quelle proportion on compose dans cet univers. Subhanallah, imaginez la tombe encore, hein, qui est encore plus petit que nous, qu'on ne peut même pas voir même avec les meilleurs instruments, on peut juste avoir une petite idée. Donc imaginez, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, il voit tout ça, il a créé tout ça, hein, et il contrôle toutes ces choses-là, subhanallah. Donc après il dit « wa la ya'uduhu hifzuhuma », hein, ça implique, hein, il n'y a rien de ça là, pour préserver ça, ça ne lui cause aucune difficulté, c'est pas du tout difficile pour lui. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça nie toute forme d'incapacité ou de fatigue à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi wa huwa al-'aliyyu al-'azim ithbat al-'ulu wal-'azama lahu subhanahu. Donc ça montre, quand on dit qu'il est Al-Ali et Al-Azim, le très haut et le très grand, ça montre qu'il a l'attribut de Al-Ulu, le fait qu'il est élevé et qu'il a la grandeur. Hein? Donc, qu'est-ce que ça nous permet de connaître quand on étudie ces versets-là et quand on étudie tout ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça nous aide à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. Tu peux pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit un peu de quelque chose de lui-même, pour qu'on soit capable de connaître quelque chose à son sujet, pour être capable de l'aimer, de le craindre, d'avoir l'espoir en lui, et de mettre en application ses commandements. Hein? Donc, c'est la chose la plus importante que un musulman peut connaître. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah, c'est la plus grande obligation, la plus importante des obligations dans l'islam. Ça passe avant tout. Hein? C'est la base de l'aqidah, c'est la première chose que Allah nous demande. Al-Iman Billah, c'est le premier pilier de la foi. Al-Iman Billah wa Malakati. Le premier pilier des piliers de l'islam. Ash-Hadu an la ilaha illallah wa ash-Hadu anna Muhammad Rasulullah. C'est le premier des shahadatayn. Donc ça c'est la base, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre et bien connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ أنسيت ذي قول المصنف رحمه الله، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dit que celui qui le récite ce verset-là, Ayatul Kursi, avant de dormir, Allah va lui envoyer un gardien qui va le protéger durant la nuit, c'est-à-dire un ange, qui va le protéger durant son sommeil et qui va empêcher un shaytan de s'approcher de lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Et le cheikh il dit que il parle d'un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, qui dit que lorsque tu vas pour te coucher dans ton lit, récite Ayatul Kursi au complet et il dit que par la suite, Allah va faire en sorte qu'il y ait un ange qui te préserve, hein, et qui te garde et qui éloigne, qui empêche tout shaitan, tout diable de t'approcher jusqu'à ce que tu te réveilles. Et le shaykh il dit, « وَالشَّيْطَانِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مُتَمَرِّدٍ عَاتٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ شَطَنَ إِذَا بَعُدَ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِبُعْدِهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَوْ مِنْ شَاطَ يَشِيطُ إِذَا اشْتَدَّ. » Donc le shaykh il dit que le shaytan en arabe, ça implique toute chose, toute personne qui, que ce soit un djinn ou un être humain, qui est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que shatana, la racine de ce mot-là, shatana, ça veut dire éloigné. Hein? Et, tu peux traiter un être humain qu'il est un shaytan. Tu peux dire d'un être humain qu'il est un shaytan. On l'appelle shaytan de cette façon, parce qu'il est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y en a qui disent que ça vient de sharpa yashitu, c'est-à-dire de la dureté. Donc, comme certaines personnes pensent que shaytan c'est un nom de personne. Shaytan c'est pas un nom de personne. C'est un nom, c'est une catégorie, c'est un nom pour une catégorie de personnes. Hein? Donc toute personne qui possède les caractéristiques du shaytan, il est un shaytan, qu'il soit un djinn ou un être humain. Shaytan ismu jins, on dit en arabe ismu jins. Ya'ammu kullu man tashaytan, ay ibta'ada an amrillah. Toute personne qui s'éloigne du commandement d'Allah, il est un shaytan, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ok? Et en fait, c'est important de comprendre que le shaytan parmi les djinns, parmi les ins, parmi les êtres humains, il est plus dangereux que le shaytan parmi les djinns. Ça, les ulama ont expliqué ça. Parce que le shaytan parmi les djinns, qu'est-ce qu'il peut faire seulement? C'est faire le wiswas. Il peut seulement venir vers toi pour te souffler des choses dans ton oreille ou dans ton cœur, pour t'inciter ou te tenter de faire quelque chose. Tandis que le shaytan parmi les êtres humains, lui, il peut faire plus que seulement t'insouffler ou t'inspirer. Il peut réellement te pousser physiquement et t'amener physiquement à faire le péché. Donc c'est pour ça que son danger est beaucoup plus grand. Et il y a des êtres humains, tu les entends, subhanallah, c'est des vrais shayatins. Subhanallah, ils t'appellent carrément, là, clairement, à aller vers le haram et à aller vers le péché. Et ils t'encouragent d'une façon, subhanallah, tu dis, c'est vraiment, c'est un shaytan. Et surtout des femmes comme ça. J'ai entendu des exemples comme ça. Une femme, par exemple, son mari est mort. Elle est veuve. Puis, une autre femme vient lui parler. Elle dit, ah, mais, habille-toi, montre plus ton corps, là, quand tu sors, comme ça, les hommes vont te voir, ils vont vouloir se marier avec toi. Si tu te caches, là, comment ils vont savoir que, il y a un été bien, puis qu'ils peuvent se marier avec toi. Ça, c'est un exemple de shaytan. Il t'incite à faire le haram. Hein? Oh, mais toi, tu, lâche-toi, hein. T'es trop sérieux, t'es trop bien. Lâche-toi, laisse-toi aller. Viens, on va aller en boîte. Ou des choses comme ça. Subhanallah. C'est des shayatins, ça. Il t'invite vers le mal. Et de nos jours, les gens qui invitent vers le mal sont plus nombreux que les gens qui invitent vers le bien. Ok? Et c'est rendu à un tel point que lorsque quelqu'un t'invite vers le mal, c'est bien vu. C'est normal. Les gens acceptent. Et personne ne se fâche quand tu les invites vers le mal. N'importe quoi. N'importe quel mal. Le pire que la personne va faire, c'est de dire, ah, laisse-moi tranquille. Mais quand quelqu'un t'invite vers le bien, tu vois des réactions, vraiment, des fois, c'est, on dirait que tu as voulu le mal pour la personne, on dirait que tu essaies de la frapper. Mais non, tu lui dis, tu sais, ce serait mieux pour toi de te couvrir proprement, correctement, lorsque tu sors, et de pas montrer tes atours, parce que ça crée la tentation, c'est dangereux. La personne dit, ah, mais toi, tes affaires, elle s'énerve, tu vois. Et tu dis à quelqu'un, tu sais, mon frère, si tu, ce serait bien si tu viens à la mosquée. On va faire la salat, puis on va lire le Coran. Ah, mais toi, la personne réagit des fois d'une façon violente, subhanallah. Tandis que si tu l'invites, tu dis, tu sais, mon frère, il y a un bon film là ce soir, viens, on va aller. Ah oui, bonne idée, on y va. Donc c'est comme ça, des fois, tu vois, tu dis, subhanallah, les gens qui invitent au bien, on les considère comme des ennemis. Tandis que les gens qui invitent au mal, on les traite comme si c'est, il y a une idée, des gens qui sont des bons conseillers. Hein, des bons conseillers, ou des gens qui sont juste comme ça, drôles. Hein, ça, c'est des blagues. Soit même des hommes kuffars qui font des blagues avec des musulmanes voilés, soit des hommes voilés. Hein, ils sont soit au travail, ou bien à l'école. Ils sont toujours ensemble, ils se parlent, ils deviennent des amis. Des femmes musulmanes deviennent des amis, des femmes musulmanes voilées deviennent des amis avec des hommes kuffars. Là ils font des blagues, ils disent, ah mais tu sais, voilà, tu pourrais l'enlever là. Donc là ils vont rire, comme si c'est une blague. Tu vois, des exemples comme ça, subhanallah, on prend ça à la légère alors que c'est grave. Hein. Ça c'est des shayatins. Il t'appelle au haram et au kufr d'une façon, avec le sourire, yani. Il t'appelle au kufr avec le sourire, yani. Donc c'est pour ça, c'est dangereux. Il faut faire attention à ces gens-là. Allah musta'an. Maintenant, le cheikh, il parle d'un autre exemple dans le Coran. À propos de certaines des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit al-jam'u bayna 'uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni ces descriptions-là dans le Coran. Il a réuni la description du fait qu'il est élevé, qu'il est au-dessus de toute chose, et la description du fait qu'il est proche de tout. Donc il est au-dessus de tout, et en même temps il est proche de tout. Hein? Et il est éternel, c'est-à-dire il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'accord? Donc le chef il mentionne la preuve de ça. Il dit وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد verset numéro 3, il est le premier, il est le dernier, il est le premier et le dernier, il est al-zahir wal-batin, il est l'apparent et le caché. En fait al-zahir ça veut pas dire l'apparent, c'est la traduction qu'ils ont donnée, mais c'est pas ça. Et al-batin, ils disent que c'est le caché, mais en réalité, c'est pas réellement ça que ça signifie. Ça signifie ça, mais ça a une autre implication. On va l'expliquer par la suite. وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Et il a une connaissance de toutes choses. L'explication du Cheikh Al-Fawzan, il dit, قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ الْآيَةِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Donc le cheikh dit que cette آية elle a été expliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans le hadith dans Sahih Muslim. Et ce hadith-là, il dit quoi? Il dit, oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Et tu es al-zahir, et il n'y a rien au-dessus de toi. Et tu es al-batin, et il n'y a rien plus près que toi. Ou إلى الشيخ يكسبك منها. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué ces quatre noms-là une explication courte et claire. Hein? Simple, résumé et clair. Il dit, فهذه يعني وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه وتعالى من كل وجه. ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمنية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. Donc le cheikh il dit que dans ces quatre noms-là, Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé, a montré qu'il enveloppe toutes choses dans tous les aspects et dans toutes les dimensions. Dans ces noms, Al-Awwal ou Al-Akhir, il a enveloppé l'aspect temporel, dans le sens qu'il a, il a enveloppé l'aspect temporel, il est le premier et le dernier, hein, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel, donc. Et l'autre aspect, c'est Al-Zahir ou Al-Batin, il a enveloppé tout l'aspect, c'est-à-dire, il est au-dessus de toute chose, mais en même temps, il est près de toute chose par sa connaissance, par sa vue, par sa, par sa science, hein, dans ce sens-là. Il dit, قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان لأزليته وأبديته سبحانه واسمان لعلوه وقربه فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل من سواه وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. Il dit que, ces deux noms-là, Al-Awwal ou Al-Akhir, ça implique qu'il a, qu'il est le premier, qu'il est le dernier, donc il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, et les deux autres noms impliquent qu'il est au-dessus de toute chose et qu'il est près de toute chose en même temps. Il n'y a personne qui est plus près que Allah subhanahu wa ta'ala de sa création. Hein? On va expliquer ça après. En fait, même on peut l'expliquer, donner un exemple tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit, wa huwa aqrabu ilayhi minkum, wa huwa aqrabu ilayhi min habli al-warid. Il est plus près de vous que la veine jugulaire, hein, par sa science, par sa vue, par sa science, par sa connaissance, il enveloppe toute chose. Donc il est plus près de nous que nous-mêmes. Il est plus près de nous que nous-mêmes dans le sens que il sait tout ce qui se passe en nous-mêmes et il sait tout ce qui se passe dans toute sa création. Donc dans ce sens-là, il est au-dessus de toute sa création, au-dessus de son trône, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, comme il le dit lui-même, il est au-delà de son trône, et il est près de toute chose par sa science, par sa connaissance. Et il voit tout et il entend tout. Dans ce sens-là, il est près de toute chose. On a lu ça. فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. Allah سبحانه وتعالى y a rien et personne avant lui et y a rien et personne après lui. وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ظاهريته qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il est à ظاهر, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout et il est élevé par-dessus tout. Et ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء ما علاه أو ما علا منه. الظاهر ça implique être élevé. Et quand on dit que quelque chose est ظاهر, c'est-à-dire qu'il est au-dessus ou qu'il est élevé dans la langue arabe. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب الإحاطة العامة. Donc, quand on dit qu'il est al-batil, ça veut dire qu'il est rapproché de toute chose et qu'il enveloppe toute chose, hein, et qu'il est plus près de toute chose qu'elle-même. Et ça, c'est du fait qu'il y a, comme on l'a dit, qu'il est près de toute chose par sa connaissance. Et la preuve de ça, c'est qu'Allah dit par la suite, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Et il a la connaissance de toute chose. Okay? أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لشيخ الزيه ك الله سبحانه وتعالى الزيك إلى connaissance de toutes choses. وعليكم السلام ورحمة الله. إلى connaissance de toutes choses, c'est-à-dire que il a cerné toutes choses par sa science, toutes les choses du passé, du présent et de l'avenir, que ce soit dans le monde élevé ou dans le monde, que ce soit dans le ciel ou dans la terre, il connaît toutes choses, que ce soit des choses apparentes ou cachées, il les connaît, et il n'y a rien, même pas une atome ou une graine de moutarde, Yani, qui peut lui échapper, qui peuvent échapper de sa science dans les cieux ou sur la terre. Donc il possède une connaissance infinie et parfaite de toutes choses, que ce soit les plus petites particules qui existent dans l'univers, elles ne peuvent pas s'échapper de sa connaissance. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit « Wa shahidu min al-ayah al-karima, ithbatu hadhihi al-asma al-karima lillah » المقتضية لإحاطته بكل شيء زمنا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا تقدس وتعالى وتقدس علوا كبيرا. Donc c'est quoi la preuve qu'on tire de ce verset-là qu'on vient de mentionner? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit lui affirmer ses noms qu'il s'est affirmé lui-même, qui implique qu'il cerne toutes les choses et qu'il enveloppe toutes ces choses-là, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, hein, et il les contrôle toutes et il les gère toutes parfaitement. Et il est élevé et purifié de toutes choses et de toute imperfection. Hein. Et après le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et l'explication de ce verset-là, le cheikh dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut abadan » c'est-à-dire « Mets ta confiance en le vivant, mets ta confiance en celui qui est al-hayy, c'est le vivant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas, abadan, il ne meurt jamais, et fawwid umuraka ilayhi » c'est-à-dire « Remets toutes tes affaires à lui, remets-les toutes entre ses mains » فالتوكل لغة التفويض. Dans la langue arabe, التوكل ça veut dire التفويض. Ça veut dire tu remets toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, je remets tout ça entre ses mains. Wa alaykum salam wa rahmatullah. ويقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. Si tu dis, j'ai remis toutes mes affaires, ou j'ai donné à quelqu'un de s'occuper de mes affaires, tu as remis toutes tes affaires entre ses mains pour qu'il le gère à ta place. Hein. C'est ce qu'on appelle al-wakala, dans la langue arabe. Après le cheikh il dit, « Wa ma'nahu shar'an, i'timad al-qalb ala Allah, fi jalbi ma yanfa, wa daf'i ma yadur. » C'est-à-dire, dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire at-tawakkul? Ça veut dire que tu reposes ton cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans le sens que tu lui fais confiance pour acquérir tout ce qui peut te profiter et t'éloigner de tout ce qui peut te nuire. Naam. Voilà. ولا حياة على الدوام إلا لله. Il n'y a rien qui peut vivre, qui vit éternellement, sans fin, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a une vie sans sans fin et infini. وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. En ce qui concerne les autres qui vivent, lorsque leur vie cesse, eh ben, si tu as mis ta confiance en un être humain, yani, il va mourir un jour. Et donc, si tu as mis ta confiance en, en cette personne-là qui va mourir, eh ben, tu vas perdre la personne en qui tu mettais ta confiance. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de l'homme qui voulait s'enfuir de la prison. Il a demandé à la personne qui enterre les morts de venir le déterrer durant la nuit. Il s'est fait passer pour un mort. Alors, quand il y a eu un mort, il s'est caché dans le cercueil. Et là, il dit, bon, il attendait la nuit. Là, on l'a enterré. Il attendait la nuit pour qu'on vienne le déterrer. Et puis, plus tard, il a vu que la personne qui était à côté de lui dans la tombe, c'était celui qui était supposé venir le déterrer. Donc, c'est un exemple, allez, ça. C'est pour ça, il ne faut pas mettre sa confiance sur quelqu'un qui peut mourir. Allah dit, « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ » Après, il dit, والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله. Donc la preuve qu'on tire de ce verset-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé pour lui-même une vie parfaite, complète, et il a nié il s'est nié pour lui-même la mort, c'est-à-dire il a rejeté le fait que il a cette faiblesse-là ou cette imperfection-là. Allah ne possède pas l'imperfection de la mort et cette faiblesse-là. Et donc, il a réuni dans un même verset l'affirmation et la négation. Ok? Donc, ça c'est une autre preuve. Puis il dit, wa huwa al-hakim al-khabir. وهو الحكيم الخبير قوله وهو الحكيم الخبير قوله وهو الحكيم له معنيان أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعها فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. Donc il dit que lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-hakim, ça a deux significations. La première signification, c'est que c'est Allah qui est le juge entre ses créatures et il va juger par son ordre, soit son ordre universel ou son ordre ou son commandement légal qu'il a révélé dans sa révélation par ses prophètes, dans cette dunya et dans l'akhira. Allah c'est le juge, que tout ce qui arrive dans l'univers c'est uniquement par sa prédestination et par son ordre, et on doit également juger selon son ordre dans cette sharia. On s'arrête, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله